Bonjour et bienvenue sur Podcast Science numéro 75. L'émission d'aujourd'hui va porter sur un thème original, j'ai nommé l'ornithorynque. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette curieuse bestiole, c'est un genre de castor avec un bec de canard qui pond des œufs et allaite ses petits. Mais ne rigolez pas, il est également venimeux. Bonjour à tous, donc c'est Franck qui vous parle pour vous présenter Podcast Science. C'est un dossier un peu spécial aujourd'hui, Alan n'est pas là, mais on est avec Hélène et Marco. Salut Hélène. Salut. Et Marco, donc t'es là. Je suis là. Bonsoir à tous. Ouais, effectivement, c'est un dossier historique ce soir puisque c'est la première fois qu'un dossier de podcast science se déroulera sans Alan. Donc on Ok. le salue bien. Par contre, il est en vacances. Hein, il a des vacances très méritées, je pense. Voilà. Donc ça sera un numéro exceptionnel ce soir. Ouais, exactement. Et donc je crois que tu vas en profiter pour nous parler donc de l'ornithorynque, mais avant que tu commences, on voulait revenir sur le fait qu'on a changé brutalement le programme parce que bon, le dossier sur Internet au Finonymous était pas tout à fait prêt et donc il sera reporté, il sera reprogrammé plus tard, ça devrait plus trop tarder. C'est ça, Hélène? Oui, on va le finir tranquillement, qu'il soit bien bien propre et puis on va le remettre, mais enfin faut pas s'inquiéter, il va arriver. Ok, d'accord. Bien, et eh ben écoute Marco, moi j'avais une question juste pour te lancer, c'est est-ce que l'ornithorynque fait le café également? Je sais pas, faudra demander le jour où t'en rencontreras un. Moi j'en ai jamais vu en vrai pour l'instant. En photo alors, ouais. Bon, allez, c'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, ben, nous allons parler de l'ornithorynque, donc qui est un animal très très étrange, comme nous allons le voir. Il est connu de son nom technique par Ornithorhynchus anatinus. Donc ça vient du grec ornitho qui signifie oiseau et rhynchos qui signifie le bec. Anatinus signifie comme un canard. Donc ça veut dire en fait le bec d'oiseau semblable à un canard. Donc cet animal vraiment vraiment étrange car il est un mélange en fait de caractère reptilien ou aviaire en fait et de caractère proprement mammalien. Et le comble c'est que ce fameux bec de canard entre guillemets bec de canard parce qu'on verra que ce n'est pas vraiment un bec de canard hein. Donc ce fameux bec de canard suggéra en premier que l'ornithorynque avait des caractères non mammaliens. Et c'est un comble en fait parce que ce n'est en réalité aucunement un bec, mais une adaptation qui est purement mammalienne à l'alimentation en eau douce. D'accord. Donc, le premier à décrire en fait l'ornithorynque, ce fut un Anglais qui s'appelle George Shaw. Et cela s'est fait en fait dans un contexte historique où les navigateurs se faisaient souvent escroquer par les empereurs chinois qui avaient pour habitude de leur refourguer des fakes en fait qui étaient faits de têtes ou de troncs de singes à coller à des parties arrière de poissons et donc on peut facilement comprendre en fait la réaction de George Shaw lorsqu'il s'est présenté pour la première fois devant un ornithorynque. Il a cru que c'était un fake. En fait il a dit voilà. Et ici, là, je vais le citer, il a dit de tous les mammifères connus jusqu'ici, il me semble être le plus extraordinaire par son anatomie, dans la mesure où il présente un bec ressemblant parfaitement à celui d'un canard, greffé sur une tête de quadrupède. La ressemblance est si poussée qu'à première vue, elle fait penser à une préparation truquée. Voilà. Et à l'époque, beaucoup de naturalistes, en fait, anglais comme lui, crurent également au début à une farce, en voyant, l'ornithorynque pour la première fois. Donc, ce fameux bec, en fait, a su suscité beaucoup beaucoup d'étonnement, mais la partie arrière de l'ornithorynque est stupéfiante elle aussi, sûrement encore plus, car l'ornithorynque possède, comme les reptiles, un cloaque, c'est-à-dire en fait un orifice unique par lequel s'opèrent toutes les fonctions liées à l'excrétion et à la reproduction. Donc cela, contrairement aux mammifères, qui Comment t'as appelé possèdent, ça? Ça a coupé, excuse-moi Marco, l'orifice oui, s'appelle comment? un cloaque. Un cloaque, Un d'accord. cloaque, donc c'est l'organe sexuel en fait des reptiles. Les mammifères, eux, en fait, ont deux orifices distincts, hein, pour les processus de reproduction et d'excrétion. Donc pour ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, pas besoin qu'on fasse de dessin. Il y a un anus et un vagin, c'est ça? Voilà, Ok. par exemple. Donc ça, c'est chez les mammifères. Chez l'ornithorynque, tout comme chez les reptiles, il y a un cloaque. Donc cela explique en fait l'origine du nom de la famille des ornithorynques, qui est les monotrèmes, la famille des monotrèmes, car ce nom en fait signifie un seul trou, simplement. D'accord. Voilà, donc il y a qui appartient à la famille des monotrèmes aujourd'hui, il y a l'ornithorynque et puis il y a aussi l'échidné. Pardon, pas facile à dire. Les équidnés. Les échidnés, oui. Donc OK. qui appartiennent à la même famille. Donc on va se pencher maintenant en fait au niveau de l'anatomie interne. Les oviducts, qui sont en fait les conduits qui acheminent les ovocytes. Donc les ovocytes sont les cellules sexuelles féminines, qui deviendront plus tard les ovules. Donc ces oviducts, en fait, c'est l'équivalent des trompes de Fallope chez les mammifères. Voilà, donc peut-être que vous connaissez mieux les trompes de Fallope. Ouais, moi ça me dit quelque chose. Voilà. Donc chez l'ornithorynque, ça s'appelle les oviducts. Et ils se réunissent pas en utérus, comme c'est le cas chez les mammifères, mais en fait, ils gagnent séparément le tube. Donc, tout comme c'est le cas Ils chez gagnent les séparément oiseaux, quoi? Excuse-moi, ça a coupé encore, Marco. ah, ça a coupé, excusez-moi. Donc, ils gagnent séparément le tube cloacal. D'accord. D'accord? Aussi, donc, comme c'est le cas chez les oiseaux, l'ovaire droit des femelles ornithorynques est devenu rudimentaire, si bien que tous les ovules, en fait, se forment dans l'ovaire gauche. Ok. Donc ces caractéristiques étaient très, très troublantes pour les biologistes de l'époque, d'autant plus que nous sommes avant Darwin et que les animaux sont considérés comme appartenant à des catégories statiques, qui peuvent pas en fait présenter des caractéristiques intermédiaires. C'est ce qu'on croyait à l'époque. Les marsupiaux, qui sont également d'Australie, comme l'ornithorynque, avaient déjà porté un sérieux coup en fait à ce que l'on croyait être une caractéristique des mammifères, hein, puisque les marsupiaux, donc contrairement aux mammifères placentaires, l'embryon en fait termine sa croissance dans une poche ventrale. Ouais. Hein, donc à cette époque-là survient d'un coup l'ornithorynque et son anatomie qui suggère donc que quelque chose d'impensable pour les mammifères, hein, c'est la ponte 2. Donc je bien suggère, hein, parce que à l'époque où le premier ornithorynque avait été trouvé, donc c'était un ornithorynque mort, hein, où il avait été trouvé, en fait, on n'avait pas trouvé 2. Donc c'est pour ça que j'employais le terme suggéré. À ce moment-là, on ne savait pas encore. Donc en dehors des traits liés à la reproduction, et puis quelques autres traits qu'on verra juste après, hein, l'ornithorynque paraît pourtant être un mammifère parfait, puisqu'il possède une fourrure complète, qui est donc une caractéristique anatomique typique des mammifères. Mais il possède aussi un seul os à la mâchoire inférieure, qui est le dentaire, et c'est ocellé dans l'oreille moyenne. D'accord, donc vous vous souvenez peut-être l'émission qu'on avait fait sur l'évolution de l'audition chez les vertébrés. Hein. Donc les mammifères, contrairement aux reptiles, hein, les mammifères ont trois osselets, hein, dans l'oreille moyenne, et la mâchoire inférieure est faite d'un seul os, qui est le dentaire, contrairement aux reptiles où ils ont plusieurs os. Et leurs oreilles possèdent un seul os. Oui, je m'en rappelle. Ouais. Voilà. Donc pour ça, vous pouvez Donc consulter le dossier sur l'histoire évolutive de l'audition chez les vertébrés, dont tu avais parlé de voilà, ça. exactement. Donc malgré tout, même en dehors du système de reproduction, l'ornithorynque possède des caractéristiques reptiliennes, en particulier un os interclaviculaire au niveau de l'épaule. Donc bon, ça c'est un os que possèdent les reptiles, mais que n'ont pas les mammifères. Et puis il a également Un aussi os la démarche d'un interclaviculaire. reptile. Ouais, un os interclavier. Bon, si ça se trouve au niveau de l'épaule, bon, on va pas s'étendre dessus, ça sera pas pertinent. Hein. Mais bon, c'est juste à retenir que c'est un os qui est typique des reptiles et qu'on ne trouve pas chez les mammifères. D'accord. Voilà. Et puis là également aussi la démarche d'un reptile, puisqu'il a des pattes situées sur le côté du corps et non pas en dessous. Ok. Voilà. Donc il Donc avance en bougeant les deux pattes du même côté en même temps, c'est ça? Voilà, ouais, il a les deux. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, parce Qu'est-ce que tu veux dire? je crois que la démarche change entre les reptiles et les mammifères à ce niveau-là, ouais. Ok. Donc, à l'époque, en fait, tous les grands biologistes étaient fascinés en fait pour cet animal, mais justement à cause de ce mélange fantastique de caractéristiques. Hein. Et puis, des débats commencent en fait à se centrer autour de sa reproduction, parce que comme je l'ai dit donc tout à l'heure, aucun nœud avait été retrouvé. Donc, il y a une activité en fait qui se dégageait avec chacune des défenseurs célèbres. Il y avait par exemple une première possibilité qui était menée par l'Allemand Meckel et le Français Blainville. Alors là aussi, Meckel, peut-être ça vous rappelle quelque chose. Meckel, on avait parlé aussi dans le dossier sur l'évolution de l'audition. Donc il a donné son nom en fait au cartilage précurseur de la mâchoire qui se Aïe. forme pendant le développement de l'embryon, le cartilage de Meckel en fait. D'accord. Donc voilà, donc Meckel et Blainville en fait, pour eux, l'ornithorynque était quand même vivipare. Alors on va peut-être rappeler les définitions de vivipare, ovipare. Donc vivipare en fait, c'est que l'embryon se développe à l'intérieur de la mère. Donc l'être humain est un animal vivipare. Hein. Ovipare, c'est l'embryon qui se développe dans un nœud hors de la mère. Donc poule par exemple. Hein. Et puis il y a ovovivipare. Donc là, c'est l'embryon qui se développe dans un œuf, mais à l'intérieur de la mère. Donc par Comme par exemple, il y a exemple. Le requin qui est dans ce cas-là. Hein. D'accord. Voilà, puis Et pour les le gros. marsupiaux, c'est vivipare, on considère? Oui, c'est vivipare, puisque l'embryon en fait se développe à l'intérieur de la mère. Hein. Il n'y a pas d'œuf, quoi, en fait. D'accord, ok. Donc c'est vrai qu'il termine sa croissance dans une poche ventrale, mais surtout il y a pas deux quoi. D'accord, ok. Voilà, donc pour Meckel et Blainville, en fait, l'ornithorynque était vivipare. Donc pour cela, en fait, pour eux, on retrouverait donc jamais deux en fait, puisque ça faisait donc pour eux l'ornithorynque était un mammifère ordinaire quoi. D'un autre côté, il y avait aussi l'anatomiste anglais Richard Owen et Everard Home. Ce fut le premier en fait à décrire en détail l'ornithorynque en 1802. Et donc pour ces deux, l'ornithorynque était ovovivipare. Et donc si on n'avait pas retrouvé deux, c'était parce que ces œufs se dissolvaient dans le ventre de la femelle. Et Ok. enfin, il y avait une dernière équipe. Une équipe franco-française, hein, Cocorico, qui était menée en fait par les évolutionnistes Lamarck et Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire. Donc Lamarck, je pense que vous connaissez sans problème. Et Geoffroy Saint-Hilaire est un peu moins connu que Lamarck. Je ne sais pas si ça vous Alors parle un peu. Lamarck, c'est le précurseur de l'évolution, celui qui a précédé Darwin, c'est ça? Ouais, voilà, Et Jean-Baptiste Saint-Hilaire, Lamarck. par contre, non, je sais pas. Hélène, peut-être? Saint-Hilaire, bon, Saint-Hilaire, il est connu pour avoir participé en fait à la campagne d'Égypte, Napoléon. Enfin, il a fait partie de cette campagne. Bah, Voilà, sinon, donc il est pour. essentiellement connu pour ses travaux en anatomie comparée. En fait, c'est. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Tu De parles de Geoffroy Saint-Hilaire, c'est ça? Saint-Hilaire, ouais. Oui, c'est possible. Alors ça, je pourrais pas. Bah, c'est comme ça qu'on me l'avait présenté, moi, donc. C'est possible, je te crois. Je te crois. Donc pour Lamarck et pour Saint-Hilaire, en fait, selon eux, l'anatomie pouvait pas mentir. Donc si l'ornithorynque avait un cloaque, c'est qu'il était ovipare, tout simplement. Et donc tous deux pensaient qu'on finirait un jour ou l'autre par trouver ses œufs. Alors, au début du 19e siècle, on n'avait toujours pas trouvé non plus de glande mammaire chez la femelle ornithorynque. Ce qui est important quand même pour qualifier un mammifère, hein, de posséder des glandes mammaires. Et puis en 1900, en Les glandes, 1800, pardon, en excuse-moi. 1800. Oui? Les glandes mammaires, c'est celles qui produisent le lait, c'est ça? C'est ça, oui. Ok, Et d'accord. donc au début du 19e siècle, on les avait pas trouvées chez la femelle ornithorynque. Et c'est en 1824, en fait, c'est Meckel encore qui les découvrit. Mais comme l'ornithorynque a décidé de ne rien faire comme tout le monde, chez lui, les glandes mammaires sont assez spéciales. Et puis, comme nous allons voir, en fait, ça a contribué plutôt à amplifier les débats plutôt qu'à les arrêter. Parce que chez l'ornithorynque, en fait, les glandes mammaires sont énormes. Elles s'étendent presque depuis les pattes antérieures jusqu'aux pattes postérieures. Mais Ah la ouais. femelle, en fait, elle n'a pas de tétine ou de mamelle. Elle a ainsi donc les canaux lactifères, ils ne conduisent pas le lait jusqu'à des orifices communs. Ce qui se passe en fait, c'est que la femelle va excréter le lait par de nombreux pores qui sont disséminés sur une partie de la face ventrale, et les progénitures en fait ornithorynques vont venir lécher le ventre de la mère. D'accord. D'accord? Voilà. Mais bon, cela en fait, ce fut découvert bien plus tard. Si bien qu'en fait Saint-Hilaire, qui était partisan de l'oviparité, hein, je le rappelle, Saint-Hilaire en fait tenait à éloigner l'ornithorynque le plus possible des mammifères. Et donc il soutenait donc que les glandes découvertes par Meckel n'étaient pas des organes mammaires, mais c'était l'homologue des glandes odoriférantes qui figurent en fait sur le flanc des musaraignes. Et de la même façon, servirait en fait à sécréter des substances pour attirer les mâles. Et puis, lorsque Meckel en fait réussit à extraire une substance lactée, Geoffroy Saint-Hilaire admit que cela pouvait être une substance alimentaire. Il pouvait s'agir en fait de mucus qui fournirait de la nourriture aux jeunes ornithorynques plutôt que du lait. Ah, il voulait pas dire Et lait puis parce que ça voulait c'est dire mammifère. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Tu vas voir, on va y venir, justement. Et D'accord. c'est en fait un jeune biologiste britannique, donc qui s'appelait Caldwell, qui résolut l'énigme en 1884. Donc notez bien la date, 1884. Donc il put recueillir quelques œufs aidés de 150 aborigènes. Alors bon, on s'étalera pas sur les conditions de travail des aborigènes, mais bon, c'était de l'esclavage, hein, autant dire les choses comme elles sont. Mais bon, cela ne fit qu'aggraver le problème général, en fait, parce que ça prouvait que l'ornithorynque était bien un mélange, et que par conséquent, il pouvait être assigné à aucun des grands groupes de vertébrés sans ambiguïté. D'accord? En fait, Geoffroy Tiller avait eu raison au sujet des œufs, et Meckel au sujet des glandes mammaires. Je suis Alors, perdu là. Pourquoi est-ce qu'il avait eu raison au sujet des œufs? Est-ce qu'on avait retrouvé les œufs? Geoffroy de Saint-Hilaire, lui, il était comme Lamarck. Pour lui, l'ornithorynque avait un cloaque, donc il pondait deux œufs, forcément. Et donc Ok, il mais on avait ne les a raison pas sur encore ça. retrouvés. Non, mais et justement, là, c'est Caldwell qui en a C'était. Oui, retrouvé d'accord. en D'accord. 1884. Donc, Ah, la Geoffroy de fameuse date, ouais. Saint-Hilaire avait raison sur les œufs. Ok. Mais lui, pour Geoffroy de Saint-Hilaire, l'ornithorynque n'avait pas de glandes mammaires. Voilà. Alors que pour Meckel, l'ornithorynque avait des glandes mammaires, mais il ne pondait pas des œufs. Ok. Donc, pourquoi en fait pourquoi il a été ainsi, c'est qu'avant il était difficile de concevoir la nature en fait sans catégorie établie et bien distincte. Donc c'est pour cela que Geoffroy de Saint-Hilaire en fait militait pour l'absence de lait et Meckel pour le lait et la mise bas en fait. Tu comprends le problème en fait. Pour eux, il n'y avait pas d'intermédiaire. Hein. Oui, je comprends, ouais. À leur époque, on était avant Darwin, il n'y avait pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que s'il y avait du lait, il n'y avait pas d'œuf. S'il y avait un œuf, il n'y avait pas de lait. Voilà, chacun en fait, Geoffroy de Saint-Hilaire, lui, voulait essayer de rapprocher l'ornithorynque des reptiles et au contraire, Meckel, lui, des mammifères, quoi. Et pour Ouais, lui, un d'accord, ok. mammifère, c'est un animal qui met bas, quoi. C'est pas un animal qui pond des œufs. Donc Voilà. Saint-Hilaire, il voulait un œuf et pas de lait, et Meckel, il voulait du lait et pas d'œuf. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, comme j'ai dit, la découverte des œufs, c'est 1884. Donc, 1884, ça veut dire qu'elle a lieu 20 ans après un événement important, 20 ans qui après est 1864. un événement important dans la pensée évolutionniste. Bah, Darwin, Enfin, 20 ans pas à peu le près. Hein. livre. Ouais. C'est ça, voilà. Donc, c'est 20 ans à peu près la publication de Darwin. Et donc, la notion d'évolution avait rendu acceptable cette fois-ci l'idée de forme intermédiaire et donc de mélange de caractères. J'allais dire 20 ans après la découverte des œufs du kiwi, mais c'est pas ça. Non. Voilà. Mais Donc cette fois-ci, bon, l'ornithorynque qui était délivré en fait d'un carcan, hein, mais il dut en supporter un autre, puisque cette fois-ci il fut accusé en fait de primitivité. On le considérait maintenant comme un mammifère, hein, mais plutôt comme une espèce de créature pitoyale en fait, marquée de la flétrissure reptilienne. Mais comme je l'ai répété plusieurs fois déjà, hein, au cours des différents dossiers, l'évolution n'est aucunement en fait une échelle montante du progrès. Elle procède en fait par rapprochement, et bien qu'une lignée de reptiles est effectivement donnée par évolution, les mammifères, les reptiles sont toujours là. Et les reptiles qui sont là, ils se débrouillent parfaitement à leur manière, et comme nous, sont le résultat de près de 4 milliards d'années d'évolution. Donc la présence de caractère reptilien chez l'ornithorynque, en fait, signifie simplement que la branche des monotrèmes s'est détachée précocement de celle qui a conduit au mammifère placentaire. Après, bien sûr, alors, Oui, d'accord, donc ok. jusqu'à où je suis, hein? Oui. Voilà. Ok, donc c'est détaché précocement, mais surtout, les ornithorynques ont quand même hérité de quelques traits fondamentaux des mammifères. Comme la fourrure et comme les osselets de l'oreille. Et donc, si vous vous souvenez un peu aussi sur l'évolution de l'audition, vous allez peut-être être en mesure d'estimer à peu près à quel moment, à quelle époque, en fait, les monotrèmes se sont séparés de la branche évolutive des mammifères. Oh là, alors là tu m'en demandes Non. trop, je m'en souviens plus. Ouais, c'est un peu difficile, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'avais dit que les vrais mammifères avec une oreille typiquement mammalienne, c'est-à-dire avec les trois osselets, apparaissaient au cours du Jurassique. Ouais, bon Voilà. d'accord, ouais, ça me dit quelque Donc, chose, ouais. comme les ornithorynques possèdent cette oreille, donc cela laisse penser que la séparation avec la lignée des mammifères s'est effectuée à peu près à ce moment-là, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, donc en fait les caractères reptiliens de l'ornithorynque sont en fait le signe de ce branchement précoce et non pas la marque d'une arriération, quoi. Donc si on met de côté en fait ce mythe de la primitivité, on peut alors mieux apprécier les élégantes adaptations de l'ornithorynque et puis reconnaître en fait son organisation anatomique qui est performante. Alors il faut distinguer les adaptations qui sont propres aux mammifères et puis celles qui sont particulières à l'ornithorynque. Donc dans la première catégorie, on en a parlé déjà, hein, on trouve la fourrure, hein, qui protège l'ornithorynque des eaux qui sont souvent froides, dans son milieu. Alors elle est imperméable et puis elle emprisonne même souvent une couche d'air au-dessus de la peau, ce qui procure en fait une isolation supplémentaire, hein, puisque l'air est un bon isolant thermique, hein. Ouais. On l'utilise d'ailleurs, hein, sur le principe du double vitrage. Et puis, toujours concernant la protection en eau froide, l'ornithorynque est capable aussi de maintenir sa température corporelle à un niveau élevé, comme la plupart des mammifères. Alors, par contre, la découverte de cette faculté a été retardée, puisqu'elle a eu lieu en 1973. Et ça, justement, à cause de l'image primitive, hein, qu'avait l'animal jusque-là. Car la plupart des biologistes en fait, soutenaient que la température interne de l'ornithorynque baissait beaucoup en eau froide, ce qui l'aurait obligé à des retours fréquents en fait, au terrier pour se réchauffer. Donc, c'est ce que pensaient les biologistes jusque-là. Et c'est donc en 1973 qu'on a su que l'ornithorynque, tout comme les mammifères, pouvait réguler sa température. Donc ces caractéristiques sont typiquement mammaliennes, mais ce qui nous intéresse réellement pour justifier que l'ornithorynque est le résultat d'une évolution ayant obéi à ses intérêts particuliers, et non pas qu'il est un animal primitif, ce sont ses propres adaptations. Et c'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc l'ornithorynque en fait passe la partie de son temps dans l'eau, à la recherche de nourriture, principalement des larves d'insectes et puis d'autres petits invertébrés. Et pour cela, il fouille en fait avec son bec dans les sédiments au fond des cours d'eau. Et ces adaptations particulières lui permettent également de faire face aux impératifs de la vie aquatique. Alors par exemple, il possède un corps qui est bien caréné, qui lui permet en fait de se déplacer aisément dans l'eau. Ses pattes avant sont palmées hein, pour une meilleure propulsion. Hein. Ouais, caréné, ça veut dire qu'il est formé comme un bateau, c'est ça? Voilà, c'est ça. La carène, en fait, c'est la partie flottante du bateau. Hein. D'accord. Voilà, donc oui, bien caréné. Donc il a les pattes palmées, hein, les pattes avant, et puis les pattes arrière aussi sont partiellement palmées, tout comme sa queue, qui permet de servir de gouvernail en fait. Comme puis le castor. Possède aussi. Comment? Le castor aussi, oui. Je crois qu'il sert de sa queue comme d'un gouvernail. Ah, le castor, oui. Donc il possède aussi d'autres traits qui ont une utilité d'un point de vue de la sélection sexuelle. Par exemple, le mâle porte des éperons qui sont creux hein, au niveau de chaque cheville et qui sont reliés par un canal à une glande à poison qui est située au niveau des cuisses. Alors ces éperons sont certainement utilisés lors des combats entre mâles, parce qu'ils deviennent plus gros pendant en fait la saison de reproduction. Et en captivité, en fait, on a déjà vu des mâles tuer leurs concurrents en fait au moyen de leurs éperons venimeux. Donc, vous voyez, on n'embête pas un ornithorynque en rut, quoi. Voilà. Et au passage, c'est ce qui fait aussi de l'ornithorynque l'un des seuls mammifères venimeux. C'est pas le seul. Il y en a d'autres. Il y a quelques espèces de musaraignes aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup de mammifères venimeux. La musaraigne, c'est venimeux? Certaines espèces, ouais, de musaraignes, ouais. Ah merde, je savais pas, je ferais gaffe. Et puis il y a aussi là, je crois que la taupe serait venimeuse. Alors je sais plus, je pourrais plus te dire exactement comment, mais je crois que c'est sa salive qui, je sais plus. Je préfère rien dire que dire une bêtise. Mais faudra regarder, mais je crois qu'elle a quelque chose de venimeux. Okay. Voilà. Mais donc on va arriver à l'ironie suprême en fait de ce dossier, parce que le trait qui plaide le plus en faveur de l'adaptation particulière de cet animal, c'est la structure qui lui a valu en fait son statut mythique de primitif. Il s'agit du mal nommé bec de canard. C'est la plus belle invention en fait qui est propre à l'ornithorynque, parce que ce bec n'est pas du tout l'homologue en fait de celui des oiseaux. Il s'agit en fait d'une structure originale qui est apparue par évolution chez les monotrèmes. Donc l'échidné, lui aussi, en possède une version différente, hein, qui est en fait sous forme d'un long museau pointu. Et puis il ne s'agit pas d'un simple organe qui est dur, inerte et corné, puisque son armature donc est rigide, mais elle est recouverte d'une fine peau qui contient de nombreux organes sensoriels. Et puis, étrangement, lorsque l'ornithorynque va sous l'eau, eh bien, il exclut tous les autres systèmes sensoriels. Il a par exemple des voiles de peau qui recouvrent ses minuscules yeux et puis aussi sur ses oreilles. Il a une paire de valves qui va boucher ses narines. Et puis il va se servir en fait seulement de son bec pour localiser les obstacles à la nourriture. Alors il y a des dissections en fait qui ont déjà été réalisées justement sur des crânes et qui ont montré que les nerfs optiques olfactifs aussi sont presque rudimentaires chez l'ornithorynque, alors que les nerfs trijumeaux en fait ce sont ceux qui apportent au cerveau les informations sensorielles de la face. Donc ces nerfs trijumeaux sont très développés chez l'ornithorynque. Et puis il y a aussi des expériences en neurophysiologie moderne qui ont davantage souligné en fait le caractère finement adapté du bec. Puisqu'il y a des colonnes de cellules en fait épithéliales qui chacune en fait comprennent des réseaux complexes de récepteurs nerveux. Ces colonnes en fait sont distribuées sur toute la surface du bec et leur densité elle est de 4 à 6 fois plus grande sur l'avant sur l'avant de la partie supérieure du bec. D'accord? Oui, d'accord. Parce que c'est là où se font en fait les premiers contacts avec les obstacles et les pièces alimentaires. En fait, c'est une sonde, quoi. Voilà, et quand il est soucié, c'est, voilà, c'est sa main. C'est sa main, okay. En quelque sorte. D'accord. Puis il y a aussi différents types de récepteurs nerveux qui ont été mis en évidence, ce qui laisse penser, ce qui suggère en fait que l'ornithorynque est capable de distinguer en fait différentes sortes de signaux. Puis aujourd'hui, les neurophiles, et oui, comme on dit, oui, les neurophysiologistes, oui, c'est ça. Ouais. Les neurophysiologistes, savent repérer en fait les aires responsables de l'activation de parties précises du corps. Hein. Et puis en fait, comme ça, on arrive à délimiter une carte cérébrale du corps. Je pense que vous avez déjà vu ça, vous devez connaître. Ça s'appelle le nom homonculus, non? Alors, je C'est pourrais pas quand te on dire dessine le. un homme avec représenté à leur échelle, à l'échelle de leur union nerveuse, les parties. Par exemple, ça fait un homme avec des énormes lèvres et des énormes mains, quoi. C'est ça un petit peu, non? Ouais, je sais pas si je comprends bien, si on parle de la même chose, mais tu vois, c'est une carte, ouais, c'est une carte du cerveau où tu reprends les différentes parties du corps qui sont, qui, enfin, les différents Auxquelles elles sont reliées, ouais. récepteurs, voilà, différents D'accord, ouais. récepteurs sensoriels, quoi. Et donc, de telles cartes cérébrales, en fait, ont été faites pour chez l'ornithorynque, hein, pour mettre en évidence, en fait, le caractère particulièrement développé de son bec quoi en fait. Enfin, de son bec entre guillemets, hein, vous m'aurez compris. Oui, d'ailleurs, ça n'a pas un nom puisque c'est pas un bec. Ça pas de. Est-ce que ça a un nom? Non. C'est vrai que. C'est vrai que L'excroissance faciale. j'ai toujours lu le bec entre guillemets. C'est sa face, c'est son museau, je ne sais pas. Bon, ok, d'accord. Voilà, donc pour terminer avec ces cartes cérébrales, quand on regarde chez l'ornithorynque, on voit en fait que la carte cérébrale se ramène presque exclusivement à ce bec, en fait. Hein. Donc c'est pour montrer l'importance des récepteurs sensoriels chez ce bec. Donc voilà, bah, écoute, on arrive à la fin de ce dossier. Hein, donc l'ornithorynque. Pour résumer, l'ornithorynque a donc longtemps souffert en fait d'une image dégradée, mais il a finalement réussi à faire admettre sa valeur, et notamment grâce à son bec, et grâce aux importantes études en fait qui ont eu lieu depuis les années 70, nous avons finalement appris à reconnaître que l'ornithorynque était un véritable bijou de l'évolution. Bah, Voilà, on a moi vu à quel j'en ai point c'était un fini. bijou, ouais. Ouais. Ok, Voilà, il y a donc. Alan dans les commentaires qui nous disait l'ornithorynculus. Donc Alan nous écoute. Salut Alan. Ok. Moi j'avais une petite question à propos de la lignée des mammifères là dont tu as parlé. En Oui. fait, l'ornithorynque, il nous prouve que la première différenciation des mammifères par rapport aux reptiles, c'est l'orifice en fait. C'est le deuxième orifice. Tu m'as dit là. La En fait, première, c'est ça? l'ornithorynque, ouais, la première divergence qu'il y a eu à partir des reptiles pour mener aux mammifères, c'est Ben non, au contraire, elle a eu lieu plus tard, elle a eu lieu plus tard. Ok. puisque l'ornithorynque, lui, a toujours son cloaque, alors qu'il a déjà les osselets, il a déjà la mâchoire Ah oui, donc j'aurais composée du compris, ouais. dentaire, il a déjà la fourrure. Donc D'accord, ok, je comprends. Et donc la non, première, ça finalement, laisse qu'est-ce que c'est? penser. La première, on sait ou pas? La première divergence, la première, ce serait difficile à dire aussi puisque c'est pas justement l'évolution, c'est pas une lignée directive. Ouais. Il y a par exemple l'évolution de l'audition, comme on en a parlé, ça s'est enclenché déjà très tôt, même alors que enfin, à l'époque où les vertébrés ont foulé le sol terrestre, ça, voilà, enfin, comment Oui, je comprends, ouais. t'expliquer, Mais donc ça veut dire qu'en fait, l'ornithorynque n'est pas un de nos ancêtres, pas plus que les reptiles, en fait. L'ornithorynque n'est pas un de nos ancêtres, non. Alors, on a un ancêtre commun, par contre. Ouais. Et cet ancêtre commun avec l'ornithorynque, c'est le même ancêtre commun qu'avec les reptiles, du coup. Non, non, non, non, c'est pas même, non, non, non. Pourquoi tu verrais un ancêtre commun Avec les reptiles. En fait, j'ai dessiné un petit arbre, en fait. Donc, sur l'arbre, il y a les reptiles. Ouais. L'ornithorynque, il s'est séparé de cet arbre à une date donnée avec les reptiles. De cela, on est d'accord. Oui. Et la branche sur laquelle on est, nous, elle s'est séparée avant celle de l'ornithorynque. Ben, en fait, pour imagine, t'as les reptiles, t'as un certain groupe de reptiles chez lesquels se passent des transformations, comme on l'a dit, comme l'évolution de l'oreille, et l'ornithorynque serait à la. Donc imagine la lignée qui part vers les mammifères placentaires, Ouais. l'ornithorynque serait à la base de cette lignée, quoi. Il serait à Enfin, la base, donc du l'ornithorynque, coup, on veut dire donc ton tronc est commun les avec monotremes sera l'ornithorynque? là. Oui, d'accord, ok. Quand la lignée évolutive qui mène à l'ornithorynque s'est séparée de la lignée évolutive des mammifères, les reptiles existaient déjà. Enfin, Oui, ok, d'accord, je comprends. voilà. Donc du coup, notre ancêtre commun avec l'ornithorynque n'est pas le même que celui des reptiles, il est déjà sur notre branche, quoi. Oui, voilà, l'ancêtre commun qu'on aurait avec les reptiles. En fait, après, il faudrait chercher un ancêtre commun des reptiles Ouais. et de l'ornithorynque et les mammifères, tu vois. Si tu veux, nous, on a un ancêtre commun avec l'ornithorynque. Hop, on va dire un groupe frère par rapport à cet ancêtre commun. Et cet ancêtre commun a un ancêtre commun avec les reptiles, voilà. Oui, ok, ouais. Ouais, je te rejoins, je suis d'accord. J'ai compris, ok. D'accord. Moi, je voudrais ajouter. Enfin, il y a un commentaire de Georges qui dit Oui. « J'adore. Finalement, on comprendrait que l'évolution est conduite à Europe Écologie Les Verts. C'est des histoires mammaires, que la fourrure pose des problèmes et qu'il y a des prises de bec. Bref, c'est un peu le bordel dans la phylogénétique comme en politique. Ah, c'est bien Et trouvé. Bravo à sinon. Georges parce que c'est bien trouvé. Et sinon, j'ai regardé vite fait là, ces histoires de taupes venimeuses. En fait, effectivement, la taupe est venimeuse. En fait, elle a des toxines dans sa salive pour paralyser les vers de terre. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, il me semblait que c'était dans ce salaire, mais j'étais plus sûr, donc. Elle a Bah, des gros c'est ce que ennemis dit à paralyser. Wikipédia après. Ok. Bon, bah écoute, on a fait le tour, je crois, pour l'ornithorynque. On va passer à la suite maintenant. Alors, je crois qu'on avait quelques petites news à présenter, mais avant, si vous êtes d'accord, je vais faire mon petit speech pour mon dossier de la semaine prochaine. Alors, Ah ben désolé. nous t'écoutons. Ouais, bah, il faut que je retrouve le jingle, et là, je merde totalement. Bon, tant pis, je vais le faire sans pitch, sans jingle. Alors, donc pour mon dossier de la semaine prochaine, ce sera sur les antibiotiques. Quels moyens utilisez-vous pour échapper à vos prédateurs? Pas au figuré, je ne parle pas de vos techniques habituelles pour déjouer les plans machiavéliques de votre patron qui veut vous faire faire des heures sup, mais bien à vos prédateurs qui en veulent à votre peau. Virus, bactéries, champignons et autres vers d'intestin. Ils sont nombreux et si vous n'y prenez pas garde, ils ne feront qu'une bouchée de votre fragile enveloppe charnelle. Alors comment se défendre? Restez à l'affût en scrutant dans le reflet des vitrines si une bactérie ultra virulente ne vous a pas pris en chasse quand vous allez chercher votre pain? Impossible, ces fourbes microbes sont partout et peuvent aller jusqu'à l'apparence de votre boulangère pour mieux vous sauter au cou quand elle éternue. Non, pour vous défendre, il vous faut des médicaments. Et pas n'importe lesquels, je vous parle de l'artillerie lourde, la sulfateuse gros calibre qui nous permet de survivre dans ce monde hostile. Je vous parle des antibiotiques et plus précisément des pénicillines. À leur découverte, c'était Nana, Nada, une main devant, une main derrière, et une mauvaise grippe vous emportait une famille en un claquement de doigts. C'était il y a moins d'un siècle. Tout a beaucoup changé depuis. Les bactéries ont trouvé des parades contre la pénicilline, et nous avons trouvé des parades à leurs parades, auxquelles elles ont trouvé une infinité de parades auxquelles même l'ornithorynque n'aurait pas pensé, et pourtant, il a de la ressource. Je vous invite à découvrir quelle impitoyable guerre de tranchées se cache dans la boîte de médicaments que vous sortez de la pharmacie, quel concours de stratagèmes inattendus et perfides se joue entre nous et nos prédateurs dans un but et un seul, la survie. Voilà. Alors, ouais, j'applaudis la référence à l'ornithorynque. Bah, c'est vrai qu'il est inventif quand même, hein. Bah oui. Ouais. Ok, donc sinon, qu'est-ce que c'était? C'était Hélène qui voulait présenter une news à propos d'une vieille plante, c'est ça, Hélène? Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est une équipe russe qui a régénéré une plante vieille de 31 800 ans à partir de graines trouvées dans le sol gelé de la Sibérie. Donc en fait, pour voir un peu ce qui s'est passé il y a 31 800 ans. Donc en fait, un écureuil se prépare à l'hiver en amassant dans son terrier tout ce qu'il peut trouver de graines, un peu comme Scratch dans l'âge de glace. Et donc il engrange en particulier celle d'une espèce qui s'appelle Silène Sténophylla, donc une plante qui existe encore aujourd'hui hein, au nord du Japon et en Russie. Mais enfin, pour une raison inconnue, l'écureuil n'a pas boulotté ses réserves et les graines sont restées là. Et elles ont été ensevelies, gelées, tout ça avec par le temps qui passe et le climat particulièrement rude dans le coin. L'histoire aurait pu en rester là sans la curiosité de chercheurs russes, car en étudiant les couches des sols gelés, riches en os de mammouth et de rhinocéros laineux de la fin du Pléistocène, les scientifiques ont retrouvé à 38 mètres de profondeur le garde-manger de l'écureuil, ainsi que 70 autres terriers. Après avoir daté les semences grâce au radiocarbone, enfin au carbone 14, ils ont utilisé les graines immatures pour cultiver in vitro les tissus de la plante. Et par ce biais, ils ont obtenu des plantes viables, qui ont même fleuri et donné des graines. Donc en fait, à ce jour, ces plantes sont les plus anciens organismes multicellulaires vivants. Pour les auteurs, cette étude montre que le permafrost, donc le sol gelé, qui couvre 20% de la surface terrestre, pourrait être un important réservoir d'anciennes. Et à noter aussi que jusque-là, la plus ancienne graine ayant germé, c'était Mathusalem, qui datait de 2000 ans seulement. Donc voilà. Ouais, donc là, c'est ils ont battu le Donc ils ont record. refait pousser des plantes à partir de graines qui dataient de 32 000 ans Alors, quasiment. de ce que j'en ai compris, ils ont récupéré les tissus qu'ils ont mis, enfin, ils n'ont pas vraiment fait germer la graine comme on fait Ouais, ils habituellement, ont fait quoi. une culture cellulaire et ils ont reformé Voilà. des tissus, quoi. D'accord. C'est pas tout à fait Jurassic Park, D'accord. mais pas loin, quoi. Voilà. Mais de toute manière, même sans les sols gelés, il y a un grand projet. Je sais plus où c'est, je crois que c'est en Scandinavie, un réservoir de graines pour garder de la diversité en fait. C'est bien stocké, bien au frais. Donc les propriétés conservatrices du froid sur les graines sont connues depuis un certain temps. Voilà. Ok. Ok, vraiment impressionnant quand Je vois même. que Marco, t'avais une news aussi. Oui, j'avais relevé une news aussi. Donc, c'est en fait que à partir d'aujourd'hui, en fait, c'est Arte, la chaîne Arte, qui propose en fait 12 missions d'observation hein, pendant le printemps. En fait, ce sont les scientifiques qui font appel au grand public pour collecter en fait diverses données sur la biodiversité. Donc, ça s'appelle en fait de la science participative hein, ou de la science citoyenne. C'est plus courant dans les pays anglo-saxons que chez nous, hein. Mais bon, ça prend son essor en France. En Suisse, j'en sais rien d'ailleurs, au passage. Et donc, en fait, Arte propose sur son site web et pendant 3 mois des missions en fait pour aider les scientifiques à mieux comprendre l'évolution des saisons avec le réchauffement climatique. Et la première de ces missions, en fait, va consister à demander aux agriculteurs et aux petits curieux ou autres hein, de se pencher en fait sur les lombrics qui sont en fait des indicateurs de la bonne santé des sols. Donc avec un peu d'eau moutardée sur le sol, hein, on peut faire sortir les vers de terre. Les lombrics, ouais, ça a coupé, Ouais, excuse-moi. les Ça a lombrics, quoi, tout coupé à une fait. coupure. Et donc relever le nombre et puis la taille en fait de ces bestioles. Et l'objectif en fait c'est de réaliser une nouvelle carte de France des vers de terre pour en savoir plus en fait sur l'état de santé des sols. Alors à condition bien sûr qu'on respecte le protocole hein, de chaque mission, hein, comme tout bon scientifique qui se respecte. Ce sont des protocoles qui sont simples et qui sont présentés en fait sur le site d'Arte, qui est missionprintemps.arte.tv, donc mission avec un S, printemps, donc avec un S aussi attaché, .art.tv. Et donc voilà, donc d'ici juin, en fait, les amateurs de nature pourront surveiller la floraison du noisetier, pister des lézards, enregistrer le chant du coucou, observer les papillons. Voilà, et puis au mois de juin, il y aura une émission spéciale pour communiquer les premiers résultats. Et puis il y aura la diffusion d'un documentaire pour parler d'une expérience de science participative qui a eu lieu en 2011 dans les Alpes. Ok, Voilà. c'est génial comme idée, je trouve. Ça veut dire Ouais, je qu'on trouve peut que c'est aller pas faire, mal, ouais. Je on trouve peut que aller c'est jouer pas aux mal. naturalistes et ça sera utile pour la science, quoi, en fait. C'est ça, tout à fait, voilà, parce que bon, on peut pas, je pense que voilà, on peut pas trouver quelqu'un pour faire ce recensement et je pense que c'est une bonne idée d'utiliser le grand public pour faire ça. Je pense Ouais. c'est intéressant, hein, je sais pas si par exemple quelqu'un a des enfants, de faire ça avec ses enfants, je pense que ça peut être un moment sympa à partager. Ouais, carrément, super super idée. Mais Ah, puis attention c'est aux vrai que piqûres de taupe, hein. ouais, ouais, attention, pire que le top. Alors, pas la bon, salive de taupe. voilà, la salive. Voilà. Ok. Donc, bon, c'est vrai que ça sera plus pratique pour ceux qui habitent à la campagne. Moi, je pense que mettre de l'eau moutardée sur le goudron, ça fera pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Ok. Bon, sinon, on avait quelques commentaires, notamment sur le dossier sur l'infini. Donc, on avait eu des commentaires intéressants de la part de Mathieu, notamment, je crois. Mais on va attendre que Nico soit là pour y répondre et pour revenir dessus. Donc, pour ça, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, je pense que ce sera mieux d'en discuter aussi avec le spécialiste de l'infini, Nicolas. Docteur est infini, ouais, voilà. Sinon, bah, je crois qu'on avait fait le tour. On va pouvoir passer à la côte. Vous êtes d'accord? Oui, allez. Alors, je crois que Hélène, t'avais une côte. Oui, donc King, c'est d'Aristote, hein, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter le personnage. La science consiste à passer d'un étonnement à un autre. Donc ça, voilà, on passe. Ouais, et avec l'ornithorynque, on était servi, ouais. Voilà, et on passe d'un épisode à un autre à chaque fois. C'est étonnant. Ouais, pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que de toute façon, pour faire de la science, pour aimer la science, voilà, il faut être étonné, quoi. Il faut de l'étonnement, quoi, pour Faut être curieux, persévérer. quoi. Ouais, il faut être curieux, et, voilà. Mais la curiosité découle certainement de l'étonnement aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, toi Marco, t'avais une côte aussi? Non, c'est pas. Non, ouais, C'est c'était non, pas toi. il y a une autre côte. Alors, elle est pas de moi. Enfin, elle est pas de moi. Je crois que c'est une côte de Nico, c'est ça, non? C'est Nico, ouais. C'est Nico qui avait rajouté la côte, oui. Elle est tirée en fait du film Dogma. Donc en fait, elle dit, elle me fait rire moi, déjà. Elle dit, Dieu a le sens de l'humour. La preuve, regardez les ornithorynques. Ouais, c'est clair. Mais bon, d'un autre côté, ouais, c'est un peu anti. C'est le contraire de ce qu'on a dit, quoi. Finalement, c'est l'évolution qui a le sens de l'humour, quoi. Mais bon, c'est un Oui, peu. bien sûr, mais bon, c'est. Je pense que pareil, le film Dogma, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, au Moi, je l'ai pas vu, passage. non, en fait. Non, j'ai Non, pas vu. bon, c'est sur le thème de la religion, mais c'est sur l'humour, hein, c'est pas pour dire oui, Ouais, il non, bien existe un Dieu, sûr. voilà. Ouais. En même temps, pour sortir une telle phrase, faut avoir un certain sens de l'humour déjà. Ouais, la phrase montre très bien déjà que c'est sur le sens de l'humour, mais ouais, je la trouve géniale, moi, en tout cas. Et elle colle parfaitement au sujet. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais donc, ouais, au passage, si t'as l'occasion de voir Dogma, Franck, Ouais, ça parle de quoi en fait? Je connaissais pas. C'est, comment dire, que je m'en souvienne, t'as. Des sortes d'anges en fait qui sont envoyés sur Terre qui alors t'as je sais plus ils ont une mission mais je crois que t'as des anges mauvais des anges bons si je me souviens bien parce que je l'ai vu il y a hyper longtemps quoi il y a hyper longtemps et puis bon voilà c'est ça tourne autour de la religion hein, quand même hein, sur le thème c'est un peu une sur le thème de l'humour hein, bien sûr. C'est un film comique, D'accord. hein, avec. Oui, d'accord, ok. On a George X. McKee qui nous dit un top de la potagerie. Ouais. C'est ça, ok. Voilà. Bon, bah, j'y penserai, ouais, si j'ai l'occasion de le voir, j'irai voir ça. Mais ouais, voilà. Et puis, si tu veux voir un très bon film documentaire sur la religion, et si tu veux vraiment rigoler un bon coup, il faut que tu regardes Religolo ou Religulous en anglais, en fait. Déjà, le titre est marrant. Ouais, mais je crois que franchement, j'étais mort de rire tout le long, quoi. C'est excellent. Ok, bah j'y penserai. Roligolo et Dogma, ça marche. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire. Ouais, y a Alan qui fait son qui peut pas nous laisser tranquille, il a mis une Ah, mais il a bien fait. Et bah ouais, on va la faire. Qui c'est qui se colle? Ah, c'est sur IBM. Alors j'avais déjà vu, ouais, cette news sur les ordinateurs, en fait. J'avais déjà Ouais. vu il y a quelque temps, ouais. Ouais, bah, je me lance. Donc c'est sur les ordinateurs quantiques du futur. Donc en fait, c'est les chercheurs d'IBM qui ont établi en fait un nouveau record. Le plus long temps de décohérence dans un circuit d'ordinateur quantique. Et donc c'est pas un exploit mince parce que si un jour ce temps s'allonge suffisamment pour un nombre de qubits assez grand, une nouvelle ère technologique s'ouvrira. Voilà, donc à lire le dossier sur l'ordinateur quantique, les bits d'information des ordinateurs classiques sont simplement des nombres binaires que l'on peut. D'accord, en fait, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas la news en entier. Mais je crois pas que c'est ça. Moi, c'était sur le. Ils avaient fait tenu. En fait, ils avaient fait tenir un bit Ouais. sur. Je crois que c'était 12 atomes, si je me souviens bien. Ah oui, on en avait parlé, ouais, effectivement, ouais. Mais ça, je suis Ouais. pas sûr que ce soit la même, c'est Ouais, non, c'est pas le même truc. Non, mais quand j'ai vu IBM, ordinateur quantique, je pensais que c'était la même chose. Ok, Non, d'accord. là, c'était par rapport au temps de décohérence dans un circuit. Ok, bah c'est noté. Bon bah écoutez, je pense que si vous êtes d'accord, on va s'arrêter là. C'était super intéressant, merci Marco. On se dit à la Mais de semaine rien. prochaine, donc ça sera sur mon dossier sur les antibiotiques, et puis bah voilà, c'était le premier dossier sans professeur Phone, on espère qu'il va vite revenir quand même, il sera la semaine prochaine, on vous Ouais, il rassure. sera là. C'était Il était. exceptionnel. Et Ok. puis il était pas loin. C'était C'était pas sa loin, ouais, semaine de ça. vacances annuelle. Ça le démangeait. Ok, bon bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine, et puis bah, bonne soirée à tout le monde. Ouais, Ouais, à la bonne semaine soirée, prochaine. ciao. Ciao! Salut!